Saïd, passe-moi le micro, s'il te plaît. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc nous sommes arrivés à la sourate An-Naba. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Donc dans le premier verset, Allah dit Amma yatasa'alun. Donc Amma, c'est lorsqu'on interroge, on veut dire an, c'est-à-dire comme si ici on dit on, au sujet d'eux ou à propos d'eux, et ensuite ma. Donc quand on colle an et ma pour poser une question, on dit Amma et on enlève le alif. Amma yatasa'alun, donc sa'ala, ça veut dire questionner, demander. Donc, tasa'ala, c'est se questionner mutuellement. Et ça peut être aussi s'interroger soi-même. Donc, amma yatasa'alun, à propos de quoi s'interroge-t-il? Donc, ça, ça fait référence aux mouchriquins de Quraysh. On en comprend que les mouchriquins de Quraysh s'interrogeaient entre eux. Ça fait référence à leur discussion. Ils ne s'interrogeaient pas pour chercher la vérité, mais parce qu'ils étaient dans le trouble vis-à-vis du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah répond juste après anin naba'il azim, au sujet de la grande nouvelle. Un naba, c'est comme un khabar. Un naba, ça veut dire une information, une nouvelle. Donc à propos de quoi s'interroge-t-il? À propos de la grande nouvelle. Cette grande nouvelle, les paroles des tabi'in divergent à son sujet. Certains ont dit c'est le Coran, puisque les mouchriquins divergeaient autour du Coran. Certains disaient que c'était de la sorcellerie, d'autres disaient que c'est la parole de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit, An-Naba'ul Azim, ici c'est le jour du jugement. Et quand on regarde la suite de la sourate, elle fait pencher vers la deuxième interprétation. Puisqu'on voit que, après ces versets-là, Allah cite beaucoup de signes qui amènent l'être humain à confirmer la résurrection et le jour de la résurrection. Et ensuite également, la sourate parle de la résurrection. Donc, ils s'interrogent entre eux au sujet de la résurrection. Et Allah dit, donc, Allazi hum fihi mukhtalifun, au sujet duquel, ou plutôt de laquelle, si on traduit en français par la nouvelle, ils divergent. C'est-à-dire qu'ils divergent entre eux au sujet de, donc soit du Coran, ou soit du jour de la résurrection. Kalla sayalamun, donc Allah dit ici, kalla, non, sayalamun, bientôt ils sauront. Et ensuite il insiste, thumma kalla sayalamun, bientôt ils sauront. C'est-à-dire bientôt ils sauront et ils verront et ils vivront ce sur quoi ils sont en train de diverger et cette nouvelle qui leur est venue. Pour l'instant ce n'est qu'une nouvelle qui leur est venue, mais bientôt ils vont la vivre et ils la verront de leurs yeux. Et le kalla qui est ici, on peut lui donner un sens, comme dans beaucoup de versets qu'on avait déjà expliqués. C'est-à-dire que lorsqu'Allah cite les mouchriquins en disant leurs fausses paroles, et qu'ensuite il dit Kalla, non, Sayalamun par exemple, bientôt ils sauront, le Kalla ici, en fait c'est pour les réprimander et les menacer pour toutes ces paroles. Donc en fait le mot tout seul, le mot Kalla, il sous-entend tout un sens qu'on peut traduire par des phrases. Qu'Allah, c'est-à-dire non, il ne devrait pas diverger vis-à-vis de cette nouvelle. Non, il ne devrait pas débattre au sujet de cette nouvelle, ni démentir cette nouvelle. Donc c'est une réprimande et à la fois une menace. Donc Sayalamun, thumma kalla Sayalamun. Donc Allah a réitéré ici la menace. Ensuite, on voit qu'Allah a cité, dans les versets suivants, beaucoup de ces signes. Des signes qui sont visibles pour tout le monde, qui sont faciles à comprendre pour tout le monde et qui sont accessibles à tout le monde. Et donc ce sont des signes qui indiquent les bienfaits d'Allah vis-à-vis de l'être humain. Ce sont des signes également qui montrent que ce monde, il est créé et géré par Allah. Il n'est pas venu comme ça par hasard, puisqu'il a un ordre, il a une sagesse. Et aussi, ce sont des signes de la résurrection, comme on va le voir par la suite. Donc, dans les versets suivants, comme je vous ai dit, Allah cite beaucoup de ces signes. Alam naj'alil arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre un berceau? Mihad, c'est comme mahd, c'est-à-dire un endroit qui est apte à ce que vous puissiez vous y installer et y vivre. Wal jibala autada. Et des montagnes, des piquets, c'est-à-dire n'avons-nous pas fait des montagnes des piquets, autad. Autad, c'est les piquets comme ceux qu'on utilise pour installer une tente. Donc Allah a appelé les montagnes autad. Pourquoi? Parce que une des fonctions des montagnes, c'est de faire en sorte que la terre ne tremble pas et que la terre reste stable. Wa khalaqnakum azwaja. Et nous vous avons créé en azwaj, en couple, c'est-à-dire en catégorie. Et surtout ici, ça signifie le mâle et la femelle. Mais on peut citer également tous les contraires, tous les opposés qui existent dans la création. Waja'alna nawmakum subata. Et nous avons fait de votre sommeil un repos. Donc ça aussi, c'est un signe et un bienfait d'Allah. Et on voit ici le mot subat, c'est la même racine que le samedi, as-sabt, qui signifie le repos. Waja'alna al-layla libasa. Et nous avons fait de la nuit un vêtement, c'est-à-dire quelque chose qui vous recouvre pour vous protéger, pour vous accorder du repos et pour votre intimité. Waja'alna an-nahara ma'asha. Et nous avons fait du jour ma'ash, c'est-à-dire un lieu de pour vivre, un moment pour vivre. Donc le jour est propice à l'activité et la nuit est propice au repos et à l'intimité. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Et nous avons construit au-dessus de vous sept, c'est-à-dire sept cieux, sous-entendu, شِدَادًا, dans le sens des cieux solides, c'est-à-dire qui sont parfaitement créés, qui sont inébranlables et sans aucune fissure. وَجَعَنَّا سِرَاجًا وَهَاجًا. Et nous avons, جَعَنَّا, ici c'est dans le sens خَلَقْنَا, nous avons créé un siraj. Siraj, c'est une lampe. وَهَاجًا. Wahaj, c'est-à-dire qui est très lumineuse. Donc ça fait référence ici, bien sûr, au soleil. Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja. Et nous avons fait descendre des nuages une eau abondante. Et on voit qu'ici, Allah a appelé les nuages mu'sirat. Ça vient de l'asr. L'asr, qu'est-ce que c'est? L'asr, pas l'asr, salat al-asr. Du verbe asara. Quand on fait comme ça sur quelque chose pour en sortir du liquide ou de l'eau. Donc Allah a appelé les nuages Mu'asirat, comme si on ne peut pas le traduire, mais c'est de cette façon qu'elles font sortir l'eau, parce que l'eau coule à travers ces nuages. Ma'an thajjaj. Thajjaj, c'est-à-dire quelque chose qui est en abondance et qui est fort. Thajjaj, comme on peut parler de la mer en disant Al-Bahru Thajjaj, quand la mer elle est agitée. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتَ. Pour que, par celle-ci, bihi. Donc le hi, ici, renvoie à qui? Ma'an, à l'eau, qui existait juste avant. لِنُخْرِجَ بِهِ. Pour que, par elle, c'est-à-dire par l'eau, nous faisions sortir, نُخْرِج, donc du verbe أَخْرَجَ, qui veut dire faire sortir, حَبَّنْ وَنَبَاتًا. حَبْ, الْحَبْ, c'est la graine, c'est-à-dire tout ce qui pousse à partir des graines, comme les céréales beaucoup d'épices, etc. Ou un nabat. Un nabat, ici, ce qui est voulu par là, c'est ce qui ne pousse pas à partir des graines, c'est-à-dire les arbres, comme par exemple les palmiers, les raisins, les figues, etc. Donc, les choses comme les céréales qui poussent à partir des graines et les arbres. Et ça aussi, c'est un signe d'Allah, le fait qu'avec une même eau et une même terre, il fasse pousser des choses qui sont différentes. Donc je vous disais tout à l'heure que tout ça, ce sont des signes d'Allah qui nous indiquent ses bienfaits, mais également qui indiquent la résurrection. Pourquoi? Parce qu'Allah a cité tout l'ordre du monde, la nuit, le jour, le soleil, etc. Et il a conclu par le fait que tout cela permet le fait que la pluie descende et que grâce à cette pluie, il fait sortir les céréales et les arbres. Donc de la même façon, il peut refaire sortir les êtres humains. Donc c'est également un rappel sur tous ces versets qui sont cités ici, c'est également un rappel sur la résurrection. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Et des jardins. Donc ici, le mot Jannah, on avait déjà expliqué. Le mot Jannah, c'est des jardins, mais dans le sens qui sont très... dans lequel la végétation, elle est très massive. Puisqu'on appelle un jardin Jannah quand il y a tellement de végétation que celui qui y entre, il est couvert. Tajinnuhu, c'est-à-dire elle le recouvre. Alfafa. Alfafa, yani multafa, mujtami'a. C'est-à-dire des jardins alfafa, dans le sens où les arbres de ces jardins sont regroupés et s'entrecroisent les uns les autres. C'est-à-dire des jardins dont la végétation est très abondante. Donc avec simplement de l'eau et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser des jardins qui sont luxuriants, comme on dit. Ensuite, Allah parle de la résurrection et du jour de la résurrection. Inna yawm al-fasli kana miqata. Certes, le jour de al-fasl. Que veut dire al-fasl? Al-fasl, c'est le fait de trancher, le fait de discerner. Pourquoi? Parce qu'Allah, ce jour-là, va distinguer les bons des mauvais. Et il va trancher également et juger entre les gens. Donc le jour de al-fasl, c'est yawm al-fasl, c'est un des jours de... du jour, un des noms, pardon, du jour de la résurrection. Kana miqata. Donc ce jour est miqata. C'est-à-dire il a un moment donné. Il est fixé pour une heure et un jour précise que seul Allah connaît. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Le jour où on soufflera dans as-sur. As-sur, donc c'est le plus ou moins entre guillemets la trompe dans laquelle va souffler l'ange Israfil alayhi salam. Donc Allah a dit le jour où on soufflera, et il n'a pas dit le jour où l'ange soufflera, ou le jour où Israfil soufflera. Et ça, c'est un style en arabe qui est fait pour donner une grande image de la chose. C'est-à-dire qu'on ne cite pas le sujet pour donner une grande importance à l'événement en lui-même. Et ici, un nafra qui est cité ici, c'est la deuxième, puisque l'ange va souffler deux fois. Une première fois pour faire disparaître tous ceux qui sont encore vivants, et une deuxième pour qu'Allah fasse revivre les morts, et pour le jour de la résurrection. Donc ici, ça fait allusion au deuxième souffle. Donc le jour où on soufflera dans As-Sur, fata'touna afwaja, alors vous viendrez afwaja, il y en a fawj ba'da fawj, vague après vague. Donc ici, à quoi elles correspondent les vagues, les masses de gens, aux communautés. Chaque peuple va se présenter les uns après les, vont se présenter les uns après les autres. Et notamment, comme c'est cité dans certains hadiths, selon ce qu'ils adoraient. Ceux qui adorent le soleil ensemble, ceux qui adorent les astres ensemble, ceux qui adorent Hubal ensemble, etc. etc. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Et le ciel sera ouvert et sera en des portes. C'est-à-dire que ce jour-là, Allah ouvrira le ciel de sorte à ce que les gens, quand ils regarderont au-dessus d'eux, ils regarderont le ciel, ils verront des sortes de portes, réellement des vraies ouvertures dans le ciel. C'est comme ça que ça a été expliqué. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et on fera avancer les montagnes, سُيِّرَتْ, et elles deviendront des mirages. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, quand les gens vont sortir de leur tombe, les montagnes seront présentes, mais Allah va les faire avancer, et au fur et à mesure, il va les pulvériser. De sorte à ce qu'après, elles deviennent, imaginez-vous quelque chose qui est pulvérisé, donc il en reste la poussière comme ça, et il en reste un mirage. C'est-à-dire quelque chose qu'on voit, mais si on le touche, il n'y a plus rien. C'est que la poussière qui reste. Donc c'est de cette façon que la Terre, elle sera complètement aplanie ce jour-là. Inna jahannama kanat mirsada. Donc Allah ici va parler du paradis et de l'enfer, mais il commence par l'enfer, parce que c'est celui qui concerne le plus ceux dont la sourate parle au début, en disant Amma yatasa'alun. Donc certes, Jahannam c'est un des noms de l'enfer, dont le sens signifie celle dont le fond est très profond. Donc certes, l'enfer est mirsad. Qu'est-ce que ça veut dire mirsad? C'est-à-dire qu'elle est à l'affût, elle est aux aguets. Et ça, à quoi est-ce que ça fait allusion? C'est-à-dire au jour de la résurrection, l'enfer, elle sera aux aguets. Comme si il sera prêt à, et il attend, ceux qui doivent entrer en lui. Et notamment à quel moment? Quand les gens passeront sur le sirat, sur le pont, au-dessus de l'enfer. Et à ce moment-là, selon l'ordre d'Allah, l'enfer avec des crochets attrapera les gens qui doivent finir en son sein. Donc, inna jahannama kanat mirsada lit-tarin ma'aba. Pour les transgresseurs, elle sera un lieu de retour, ma'ab, du verbe aba qui veut dire retourner. Donc, leur destination finale est en enfer. Lit-tarin, Allah a dit à ceux qui transgressent, c'est-à-dire ceux qui ont outrepassé les limites jusqu'à mécroire, jusqu'à renier Allah ou jusqu'à donner un associé et adorer autre qu'Allah. Allah les a appelés ici At-Tarin, les transgresseurs. Labithin fiha ahqaba. Ils y demeureront. Labithin, du verbe. Donc, yalbath, ça veut dire ils restent, ils demeurent. Labithin, donc ils y demeureront. Fiha, en enfer. Ahqaba. Ahqab, c'est-à-dire des siècles. En fait, ahqab en arabe, ça veut dire des longues périodes, plus que des années. Donc, ça signifie des longues périodes après de longues période. Et comment on peut expliquer ça, le fait qu'Allah dise, si on traduit par exemple par des siècles, ils y resteront des siècles. Comme si on comprenait qu'au bout d'un moment, ça allait s'arrêter. Et l'imam al-Tabari explique ça, en disant qu'en fait, rahimahullah, quand on regarde d'autres versets du Coran, comme lorsqu'Allah dit « Wa akharu min shaklihi azwaj » et on voit que dans les différents versets du Coran, Allah dépeint différentes sortes de châtiments des gens de l'enfer. Et dit l'imam Tabari, il est possible qu'Allah ait voulu dire par là des siècles dans une sorte de châtiment, puis un siècle ou des siècles dans une autre sorte de châtiment. Donc pour faire comprendre que leur châtiment va varier, il a dit des siècles. Alors que généralement on dit des siècles en parlant d'une durée qui va s'arrêter. Labithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Ils n'y goûteront ni bard, al-bard, c'est-à-dire la fraîcheur, ni froid, ni sharab, ni boisson. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa, ici c'est dans le sens walakin. C'est-à-dire, mais ils goûteront hamiman, de l'eau bouillante, wa ghassaqa. Al-ghassaq, il a été expliqué de deux façons par les salafs. Le grand froid, le froid glacial, donc qui est un peu le contraire de Hamim, c'est-à-dire ils goûteront à de l'eau bouillante et ils goûteront au froid glacial. Et Rassar, il a également été expliqué par le liquide qui sort des habitants de l'enfer, c'est-à-dire comme le pus des gens de l'enfer. Et les deux ont leur origine en arabe. C'est-à-dire Rassar, du point de vue de la langue arabe, il peut s'appliquer aux deux. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, ils goûteront au pus des gens de l'enfer qui sera glacial. C'est ainsi qu'on joint les deux explications. Jaza an wifaqa. Donc jaza, qu'est-ce que ça veut dire jaza? Une rétribution. Wifaqan dans le sens qui correspond à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, c'est une rétribution juste. C'est une rétribution équivalente à ce qu'ils croyaient, à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils faisaient. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Certes, ils n'espéraient aucun hisab. Ici, yarjoun, qu'est-ce que veut dire yarjoun en arabe? Espérer. Mais les salafs, ils l'ont expliqué par la yakhafoun. Ils ne craignaient pas de hisab. Parce que le verbe raja, qui veut dire espérer, si tu le mets au négatif, tu peux le traduire par la yakhaf. Il ne craint pas. Donc ici, c'est dans le sens où ils ne craignaient pas. Ils ne craignaient pas d'avoir à rendre compte. Donc il disait ce qu'il voulait, il croyait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'ils voulaient, sans s'attendre à rendre des comptes. Donc Allah a dit, la yarjoun, pas dans le sens où ils n'espèrent pas, mais dans le sens où ils ne craignaient pas de rendre des comptes. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ. Et ils ont démenti nos signes. كِذَّابَ, c'est pour insister. C'est-à-dire, ils l'ont démenti, mais de façon très forte. Ils ont été très loin dans leur façon de démentir les signes. Qu'est-ce que ça veut dire, les signes, l'ayat? Tout. Vas-y, dis, ouais. L'ayat aqliya, qawniya. Qawniya, ouais, on peut dire. Et qawniya, voilà. Les ayat, quand Allah parle de ces signes, ça englobe les ayats du Qur'an, c'est-à-dire la révélation, et ça englobe les ayats kawniya, comme celles qui ont été citées tout à l'heure, la nuit, le jour, etc. Donc, renier les versets du Qur'an, c'est clair, et renier les signes, c'est dans le sens où ils ne profitent pas des signes qu'Allah a placés dans l'univers. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Et toute chose, nous l'avons comptée et écrite. أَحْصَيْنَاهُ. أَحْصَى, c'est le fait de compter quelque chose, c'est-à-dire de pas le compter dans le sens je compte combien il y en a, mais dans le en faire le compte. Kitaban, c'est-à-dire à l'écrit. Donc ça, à quoi est-ce que ça fait allusion? Quand Allah dit kulla shay, ici c'est dans le sens, pas, ça parle pas de toute chose. Ça parle des œuvres. On sait que toutes choses, Allah les a écrites. Mais ici, quand on regarde le siyaq, c'est-à-dire le contexte des versets, la menace, pour qu'Allah menace ces gens-là, de quoi est-ce qu'il faut, de quoi est-ce, comment on comprend de, que je m'exprime mal, mais quand Allah dit wa kulla shay, toute chose nous en avons fait le compte par écrit. Est-ce que ça veut dire toute chose vraiment, le destin, etc., ou plutôt les actions? Les actions. Donc ici, ce qui est voulu par là, c'est les actions. Et donc, à quelle écriture ça fait allusion? À l'écriture des anges. Des anges que chaque être humain a à sa droite et à sa gauche et qui écrivent ses actions. Donc c'est, le contexte du verset fait que kulla shay, ici, toute chose, on le comprend par toute œuvre. C'est-à-dire toute parole et toute œuvre qu'ils ont fait, nous en avons fait le compte par écrit, c'est-à-dire par l'intermédiaire des anges. Et ça ne veut pas dire toute chose, nous l'avons écrit, même si ça c'est vrai. C'est vrai également. Mais c'est vrai dans Al-Lawh al-Mahfouz, qui est au ciel. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Alors goûtez donc, et nous ne ferons qu'augmenter votre châtiment. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, il disait, ça c'est le verset le plus dur qui existe à l'encontre des kuffars. C'est ce verset-là. Quand Allah dit, alors goûtez et nous ne ferons qu'augmenter votre châtiment. Ensuite, le verset passe à la description du paradis et des pieux. Inna lil muttaqina mafaza. Donc les muttaqin, ceux qui craignent Allah, auront mafaz. Donc mafaz, ça va du verbe faza, qui veut dire gagner, réussir. Donc mafaz, c'est l'endroit où on gagne. Donc, c'est-à-dire qu'un lieu où ils connaîtront le succès. D'ailleurs, leur succès, il va se traduire dans ce lieu-là. Donc c'est le paradis. Mafaz, ici, c'est le paradis. Donc les pieux auront un lieu où ils connaîtront le succès. Hada'iqa wa a'naba. Donc hada'iq, pluriel de hadiqa, c'est-à-dire des jardins. Hadiqa, c'est des jardins qui ont beaucoup de végétation et qui sont entourés, soit par un mur, soit par certains arbres qui le délimitent. Wa a'naba, et des vignes. Donc ils y auront des grands jardins et des vignes. Wa kawa'iba atraba. Ça parle de quoi, kawa'iba atraba? Bon, ceux qui ont la traduction sous le nez, ça va, mais ça parle des femmes du paradis. Kawa'ib, c'est le pluriel de ka'ib. Et atraba, donc on va expliquer d'abord, atraba, ça signifie qu'elles ont toutes le même âge. Et kawa'ib, c'est un descriptif de leur poitrine. C'est-à-dire qu'elles ont une poitrine qui est, en fait, une femme, quand on dit d'elle qu'elle est ka'ib, ça signifie que sa poitrine, elle est bien ronde et bien en évidence, comme c'est le critère que tous les hommes veulent chez une femme. Donc Allah les a décrits de cette façon. Wa ka'san dihaqa, et un verre, donc ici ça signifie bien sûr des verres, des coupes. Dihaqa, dihaq, ça signifie rempli. Et dihaq en arabe, ça signifie rempli, mais rempli comme quelque chose qui a une forte pression, c'est-à-dire rempli et très abondant. La yasma'una fiha larwan. Voilà qu'ils n'y entendent aucune mauvaise parole ni mensonge. C'est-à-dire, dans le paradis, ils n'entendent pas l'arou. Pourquoi Allah dit ça à ce moment-là? Parce que juste avant, il a parlé de ce qu'ils boivent. Donc, ils boivent des boissons qui leur font plaisir, etc. Mais pour autant, elle ne les rend pas mauvais. Et elle ne crée pas de haine entre eux. Donc, il n'y a pas d'insultes entre eux, il n'y a pas de mauvaises paroles entre eux, il n'y a pas non plus de mensonges ou alors de démenti. Kidzaba, ça peut être également, ils ne se démentent pas les uns les autres. Donc, cette boisson, elle n'a pas les. Elle a les effets positifs sans avoir les effets négatifs. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Donc, jaza'an, encore une fois, c'est une rétribution de la part de ton Seigneur. Ata'an, et un don. Hisaban. Hisab ici, ce n'est pas le hisab dans le sens le compte. C'est hisab dans le sens de l'hasb, qui veut dire le kifaya. Donc, ça signifie jaza'an min rabbika. C'est une récompense de la part de ton Seigneur, ata'an, et un don qui leur suffit. C'est-à-dire qu'il les rendra complètement satisfaits, ils seront comblés. Et on observe la différence avec les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, Allah a dit à leur sujet, jaza'an wifaqa. C'est une rétribution wifaqa, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'ils ont fait. Mais quand il a parlé des gens du paradis, il n'a pas dit wifaqa. Ça ne correspond pas à ce qu'ils ont fait. C'est plus que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si l'être humain il était jugé et vraiment avec équité sur ses actions, personne n'entrerait en enfer. Pas même, comme l'a dit le prophète Mohammed, il a dit, pas même moi. Pardon ? Au paradis. En fait, le prophète, c'est ça le sens du hadith où il a dit « La tatrunu al-jannata illa » Et il a dit personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Ils ont dit même toi. Il a dit hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati bi fadli minhu wa rahma. Il a dit même moi, si ce n'est si Allah me touche de sa grâce et de sa miséricorde. C'est-à-dire que certes on entre au paradis par nos œuvres, mais parce qu'Allah par sa clémence a décidé de ça. S'il avait décidé de juger les gens réellement, selon leurs œuvres, de façon équitable, personne n'entrerait au paradis. C'est-à-dire, personne n'a des œuvres qui lui vaudraient d'entrer au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, même moi. Pourquoi ? Parce que les meilleures des œuvres, elles ne vaudraient même pas à remercier Allah correctement. Donc encore moins d'entrer au paradis. Donc Allah a décidé que il rend justice aux actions, aux bonnes actions par le paradis. Mais c'est par clémence qu'il l'a décidé au préalable. S'il n'avait pas décidé ça, ça serait pas, ça pourrait pas être ça leur rétribution. Donc il dit jaza'an, c'est une récompense, et en plus c'est ata, c'est un don également. C'est une grâce de la part d'Allah. C'est pas une récompense juste, c'est plus que ça. Hisaba, donc comme je vous ai dit, ça signifie qu'il leur suffit. Et le fait qu'ils disent jaza'an min rabbika, il n'a pas dit jaza'an min Allah, on en comprend que le fait qu'Allah va récompenser les gens du paradis, ça découle de sa rububiyya, c'est-à-dire de sa qualité de Rabb, et de tous ses noms qui découlent de sa qualité de Rabb. Parce qu'il est le Rabb, le créateur, celui qui gère l'univers, celui qui prend soin de ses créatures, il fera entrer les pieux dans ses paradis. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Donc Allah dit, le Rab, donc on traduit généralement par le Seigneur, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Un Rab, c'est le créateur, celui qui gère, celui qui possède. On peut traduire aussi par le maître. Le maître, c'est une bonne traduction de Rab. Le maître des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux. Ar-Rahman, le miséricordieux. La yamlikuna minhu khitaba. Ils ne possèdent pas de sa part le fait de parler. C'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité de parler. Qui il ? Juste avant, il a dit « Wama baynahuma », c'est-à-dire ceux qui sont entre les cieux et la terre n'ont pas le pouvoir de parler. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est expliqué dans le verset juste après. « Yawma yaqoumu ar-ruhu wal-mala'ikatu saffa la yatakallamun » Elle est là l'explication. « Illa man adhina lahu ar-Rahmanu wa qala sawaba » Le jour où ar-ruh et les anges se dresseront en rang. Donc les anges, on le comprend. Par contre, ar-ruh, qu'est-ce que ça signifie ? Les salafs ont divergé autour de sept opinions différentes sur Ar-Ruh. l'imam Tabari les a cités. Et la plus forte, du point de vue de l'argument, c'est que c'est un ange. Un ange parmi les anges d'Allah qui s'appelle Ar-Ruh. Ça, c'est rapporté de Ibn Abbas et de Ibn Mas'ud. Pourquoi on dit c'est l'argument le plus fort? Parce qu'il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique qui est Ar-Ruh ici. Et donc la chose, l'explication la plus haute qu'on trouve, c'est celle des compagnons, Ibn Abbas et Ibn Mas'ud. Et en plus, il n'est pas possible qu'ils disent ça de leur propre tête. Et il y a d'autres explications qui existent. Certains ont dit c'est le Coran. C'est le Coran sera représenté, puisqu'Allah a appelé le Coran Ruh dans le Coran. D'autres ont dit c'est Jibril, puisque Jibril a été appelé Ar-Ruh également dans le Coran. D'autres ont regardé d'un point de vue linguistique. Ar-Ruh, qu'est-ce que ça veut dire? L'âme. Donc en fait, toutes les âmes seront en rang, comme les anges seront en rang, etc. Et l'imam al-Tabari, lui, il a, comment est-ce qu'il a tranché cette question? Il dit, eh bien c'est Ar-Ruh, et Allah ne nous l'a pas précisé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de texte de lui qui nous l'explique. Donc c'est une créature qu'Allah a appelée Ar-Ruh, quelle qu'elle soit. Mais on sait que c'est quelque chose d'immense. Donc le jour où Ar-Ruh et les anges se dresseront en rang, ils ne parleront pas, sauf celui à qui Ar-Rahman donnera sa permission et qui dira la vérité. C'est-à-dire que ce jour-là, personne n'aura le pouvoir ni la capacité de parler. Sauf avec deux conditions. Man avina lahu ar-Rahman, celui à qui Allah dira de parler, wa qala sawab, et qui va dire de as-sawab, quelque chose d'exact. Celui-là, Allah lui donnera la permission de parler. Et ça, notamment, quelle surah on peut lui donner à ça? Qu'est-ce qu'on connaît au jour de la résurrection où Allah va donner la permission de parler à des gens et qui diront quelque chose qui est exact? La shafa'a, l'intercession, voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, les hommes pieux, les anges, Allah va leur permettre d'intercéder. Donc forcément, ils vont parler pour intercéder. Donc ça entre dans, c'est une surah, c'est-à-dire un cas de figure qu'on peut faire entrer dans ce verset. Dhalika al-yawmul haqq. Donc voici le jour véridique. Faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Donc celui qui le veut, qu'il prenne un retour vers son Seigneur. C'est-à-dire qu'il prenne un chemin pour retourner vers son Seigneur. C'est comme si Allah nous disait, ce jour de toute façon il va arriver, je vous en ai prévenu. Donc maintenant, celui qui veut revenir vers moi, c'est-à-dire revenir dans ma satisfaction et finir dans mon paradis, et parmi mes élus, eh bien qu'il prenne un retour vers moi. C'est-à-dire qu'il prenne le chemin qui mène vers cela, qui lui permettra de revenir vers moi sans être châtié. Et ce chemin, ben, on le connaît. C'est l'islam, c'est la sunna, c'est le Coran, c'est les bonnes actions. Inna anzarnakum azaban qariba. Donc nous vous avons averti d'un châtiment proche. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Donc Allah a dépeint le jour du jugement comme étant proche et le châtiment de l'enfer comme étant proche. Parce que ben, il n'y a que la mort qui sépare l'être humain de ça. La mort et le monde intermédiaire qui va se dérouler très vite. Donc une fois que l'être humain est mort, il reste peu de temps avant qu'il connaisse soit la récompense, soit le châtiment. Le jour où l'homme regardera ce que ses mains ont avancé, c'est-à-dire le jour où l'homme, qu'il soit mu'min, qu'il soit kafir, verra ce qu'il a fait, ce qu'il a avancé pour sa vie future. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le jour où le mécréant dira, si seulement j'étais de la poussière. Et il est rapporté dans plusieurs athar que le kafir dira ça quand il verra les animaux devenir poussière, parce que les animaux n'entreront pas au paradis, donc bien sûr pas en enfer, mais n'entreront pas au paradis. Ils connaîtront le jour du jugement et ensuite ils deviendront poussière. Et quand le kafir verra ça, il dira, il aimerait être comme eux. Et il dira, si seulement moi aussi j'étais de la poussière, pour ne pas connaître le châtiment d'Allah. Nas'alullah al-afwa wa al-afiyah. Donc on passe au cours de fiqh. Donc nous sommes arrivés au tayammum. Alors c'est 47. Bismillah, donc il dit al-mas'alat al-thamina al-tayammum. تعريفه في اللغة والاصطلاح تعريفه لغة التيمم لغة القصد والتوخي والعمد. Donc il dit al-tayammum dans la langue arabe, ça signifie al-qasd, le fait de vouloir viser quelque chose. Donc dans le verset, quand Allah dit fatayammamu sa'idan tayyiban, c'est comme si on pourrait le traduire en français plus ou moins par tournez-vous vers, si vous n'avez pas d'eau, alors tournez-vous vers la terre pure. Tayammamu, c'est-à-dire viser la terre pure. Tournez-vous vers la terre pure. C'est ça le sens de tayammama. Wa fi l'istilah, donc et dans la religion, mashul wajhi wal yadayni, le fait de d'essuyer entre guillemets son visage et ses mains, bitura bin tahur, avec de la terre pure, à la wajhi marsous d'une façon précise. Wa huwa min al khasa'is allati ikhtassa Allah biha hadhihi al umma wa huwa badalu taharati al ma. Et c'est une spécificité qu'Allah a consacrée à cette communauté, et c'est le comment on dit déjà le badal, changer le ouais mais l'alternative, voilà. C'est l'alternative de la purification par l'eau. C'est-à-dire quand on ne peut pas faire la purification par l'eau, on le fait là, le taymoum, qui est la purification par la terre. Et seule la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bénéficié de cela. C'est-à-dire qu'auparavant, s'ils ne pouvaient pas se purifier, ils ne faisaient pas leur prière dans les communautés des prophètes précédents. Donc le prophète a dit, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, « U'titu khamsan » Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à personne d'autre avant moi. Et dans ces 5, il a dit Allah a fait pour moi de la terre masjid, un lieu de prière, et un objet de purification. C'est-à-dire que les communautés précédentes ne se purifiaient qu'à l'eau et ne pouvaient prier que dans leur temple. Donc pour qui le tayammum est-il prescrit? Alif, adimul ma'il faqdihi ou li bu'dihi. Premièrement, celui qui n'a pas d'eau. Soit parce que l'eau est inexistante, ou soit parce qu'elle est trop loin. Trop loin, donc il n'y a pas de limite ici. On ne peut pas dire 1 km, 2 km, c'est à peu près. Si l'eau elle est trop loin, de façon raisonnable, eh bien, il est considéré comme n'ayant pas d'eau. On peut dire également celui, par exemple, qui est en voyage. Il s'arrête dans une ville, etc. Il n'a pas l'argent nécessaire pour s'acheter de l'eau. Il n'a plus une pièce sur lui. Et il ne trouve personne pour lui emprunter de l'eau. Alors dans ce cas-là, ou pour, par exemple, pour lui emprunter de l'argent pour acheter de l'eau. Donc dans ce cas-là, même si l'eau elle est devant lui dans les bouteilles, dans la vitrine, bien, il est considéré comme n'ayant pas d'eau. Ba idha kana bihi jarahatun aw maradun wa khafa an yadurrahu al ma. Deuxièmement, s'il a une blessure ou une maladie et qu'il craint que l'eau lui fasse du mal, lui nuise. Donc comment elle peut lui nuire l'eau? Soit en le tuant, soit en le rendant malade, en aggravant sa maladie, ou en créant par exemple une infection, comme c'est le cas des plaies ou des blessures, ou alors tout simplement en retardant sa guérison. S'il sait que l'eau, elle retarde sa guérison, il peut faire le tayammum. Ou ça peut être aussi que l'eau ne retarde pas sa guérison, mais lui fait mal. Tout simplement. Ça lui crée une douleur à l'endroit concerné. Jim, idha kan al-ma ou shadid al-burudati, wa lam yatamakkan min tasrinihi. Donc Jim dit si l'eau est très froide et qu'il ne peut pas la réchauffer. Donc en gros, on peut résumer autrement, en disant s'il craint pour sa personne en utilisant l'eau. Il craint de mourir, il craint de tomber malade. Comme dans le hadith de Amr ibn al-As, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mis émir dans une expédition et qu'il est devenu djounoub, et le lendemain au fajr, il a fait le tayammum pour prier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pourquoi, donc il a expliqué que la nuit était froide, etc. Et qu'il s'est basé sur le verset Wala taqtulu anfusakum, ne tuez pas vos propres personnes. Et le prophète a souri pour acquiescer sa compréhension et ce qu'il avait fait. S'il a besoin de l'eau pour boire ou pour que quelqu'un d'autre boive et qu'il a peur d'avoir soif. C'est-à-dire si par exemple des gens ils sont sur un bateau, ils ont pris une certaine quantité d'eau. Et ils savent que s'ils boivent et qu'également ils font le rodeau avec cette eau, bien, ils n'auront plus à boire. Donc là, ils favorisent le fait de boire et ils font le tayammum, malgré qu'ils ont de l'eau devant eux. Parce que l'eau, elle ne suffit pas aux deux. Donc si elle ne suffit pas aux deux, on favorise le fait de boire. Shurut wujub at-tayammum. Donc, quand est-ce que, avec quelles conditions, le tayammum devient obligatoire? Al-bulugh, la puberté. Al-qudratu al-isti'mal as-sa'id, être capable d'utiliser la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il est emprisonné, les mains et les pieds liés, le tayammum ne lui est pas obligatoire. Il prie comme ça, sans wudu et sans tayammum. Wujud al-hadath naqid, c'est-à-dire la présence du hadath qui rompt son état de pureté. C'est-à-dire, on ne peut pas lui obliger le tayammum tant qu'il est tahir. C'est une fois qu'il est plus tahir qu'on lui oblige le tayammum. Quatrièmement, shurut sihhati tayammum, les conditions pour que le tayammum soit valable. Donc là, il a dit l'islam, ça c'est logique. Inqita'u dami al-hayd aw an-nifas, c'est-à-dire que la femme n'est plus ses règles ou n'est plus ses louchis. Si elle fait le tayammum pendant les louchis, pendant les règles, ça sert à rien, parce qu'elle est, c'est comme si c'est comme pour l'eau, elle va pas faire l'eau quand elle a ses règles. Al-aql, c'est-à-dire qu'il soit sain d'esprit. Et wujud sa'id al-tahur, et la présence de terre pure. C'est-à-dire qu'il faut de la terre pure pour que le tayammum y soit valable. Ici, on peut s'arrêter. Le shir n'a pas expliqué plus que ça. Qu'est-ce qu'on entend par la terre pure? Donc Allah dans le Coran a dit fatayammamu sa'idan tayyiban. Tournez-vous vers sa'id, la terre tayyiban, qui est bonne, c'est-à-dire qui est pure. Mais que veut dire sa'id? En fait, les savants, ils ont divergé en deux opinions sur ce sujet. L'opinion la plus dure, c'est de dire, la plus restreinte, c'est de dire sa'id, c'est at-turab. C'est la terre, c'est-à-dire la terre qui est un peu poussiéreuse, comme c'est très répandu dans les pays arabes. Dans les pays arabes, quand on est en dehors des maisons, la terre, comment elle est? C'est at-turab. C'est pas du sable, c'est de la terre, mais quand on fait comme ça dessus, on reste sur les mains. Ça s'appelle At-Turab. Et d'autres ont dit qu'en fait, As-Sa'id, c'est toute la terre. C'est-à-dire tout ce qui fait la surface de la terre, Kulluma ala wajil ard min jinsiha, et qui est du genre de la terre. Qu'est-ce qu'on entend par qui est du genre de la terre? C'est-à-dire, on ne veut pas dire par là tout ce qui est sur la terre. Par exemple, je mets un tapis par terre, puis je dis, maintenant, voilà, le tapis, il est sur la terre, donc je peux faire le tayammum dessus. C'est pas ça qui est voulu par là. C'est-à-dire la surface terrestre. Et quand on dit qu'il est du genre de la terre, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la surface terrestre, pas les végétaux, par exemple. Parfois, la surface de la terre, ça peut être du végétal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la terre qui est en dessous, c'est pas le végétal. Donc, entre là-dedans, le sable, la pierre, etc., etc. Tout ce qui peut être la surface de la terre. C'est-à-dire qu'imaginez-vous que dans la première opinion, qui est l'opinion notamment de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i, faire du tayammum avec du sable, ça marche pas. Pourtant, on voit le sable, ça reste sur les mains, etc. On peut le prendre, même le mettre sur son visage. Ça, c'est pas valable. Parce que c'est pas du turab. C'est pas de la terre, c'est du sable. Donc c'est une opinion qui est très restreinte. Et cette opinion-là, sans rentrer dans les arguments. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ceci? Pourquoi ils ont dit cela? Cette opinion-là, tout simplement, on ne peut même pas l'adopter. Parce que si on adopte cette opinion-là, fais-moi le tayammum en France. Trouve-moi du turab. Comment on va faire? Il faut aller à Jardiland. Ouais, et encore, parce que Jardiland, ça va être du terreau. C'est plus de la terre, quoi. C'est le terreau. Je pense pas, à ma connaissance, ça ne rentre pas dans turab, linguistiquement. Donc ça va être très compliqué. Donc c'est une des choses qui fait que, notamment Ibn Taymiyyah, lui, pourtant qui est dans le mazhab de l'imam Ahmed, il a penché vers la vie de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, en disant que le sa'id, c'est tout ce qui fait la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'islam, il a été légiféré pour le monde entier. Donc forcément, il faut que le tayammum, le monde entier, il puisse le faire là où il est. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une des versions des hadiths de tout à l'heure, il a dit... فأي رجل من أمتي أدركت الصلاة فله أو عنده مسجده وطهوره. C'est le sens du hadith. Il a dit, tout homme de ma communauté, quand vient l'heure de la prière, il a le lieu de prière et l'objet de purification avec lui. C'est-à-dire que où qu'il soit sur terre, il peut prier, et le sol, ça lui vaut pour faire le tayammum. Donc ça veut bien dire que c'est plus large que simplement être turab. Également, ils ont utilisé comme argument le fait que dans la bataille de Tabouk, en l'an 9, la bataille de l'Usra, la bataille de la difficulté, quand ils avaient peu de moyens. Donc ils sont partis à Tabouk, qui est au nord de l'Arabie. Et entre Médine et le nord de l'Arabie, il y a des dunes, comme au Sahara. Parce que par exemple, au Hijaz, la Mecque, Médine, ça, il n'y a pas les dunes de sable comme on voit à la télé. Ça, c'est pas dans cette région de la péninsule arabique. C'est dans d'autres régions, comme à l'est par exemple. Donc ils disent, entre Tabouk et Médine, il y a ça, il y a le sable. Donc comment est-ce qu'ils ont fait les Sahaba? Sachant qu'on peut presque être certain qu'ils n'avaient pas assez d'eau pour faire l'eau, puisque c'était une bataille difficile. C'est cette fameuse bataille où Uthman a équipé l'armée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourageait, faisait des discours pour encourager les gens à donner pour pouvoir équiper l'armée, parce qu'ils avaient très peu de choses. Donc, on peut fortement penser qu'ils n'avaient pas assez d'eau pour faire l'eau. Or, ils n'ont pas fait des sacs de poussière avec eux, ils n'ont pas fait des sacs de terre. Donc, c'est que forcément, ils ont dû utiliser le sable. Ça, c'est un autre argument également que Ibn Taymiyyah, entre autres, hein, a utilisé pour dire que c'est toute la surface de la terre, c'est pas seulement At-Turab. Deuxième chose, les mêmes qui ont dit que le Sa'id, c'est seulement At-Turab, également, ils ont dit. Ce turab, il a comme condition al-roubar. Turab, c'est la terre, al-roubar, c'est la poussière. C'est-à-dire qu'il faut que cette terre, quand tu fais comme ça dessus, il y ait de la poussière de terre sur tes mains. Alors que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ceux qui ont dit toute la terre, c'est bon pour faire le tayammum, eux, ils te disent que quand tu fais ça, il n'était pas demandé qu'il y ait de la terre sur tes mains ou du sable ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils permettent le tayammum sur une pierre lisse. Alors que chez Shafi'i et Ahmed, le tayammum, c'est vraiment le fait de faire passer la terre sur soi. Ça remplace vraiment l'eau d'eau quelque part. Comme on fait passer l'eau sur soi, là on va faire passer de la poussière sur soi. Enfin, de la terre, poussière de terre. C'est-à-dire qu'ils exigent que quand on fait ça, il faut qu'il y ait de la terre sur les mains. Et qu'on passe réellement la terre sur soi. Donc c'est quelque chose de concret, si on veut. Alors que chez Malik et Abu Hanifa, c'est plus un geste qui est symbolique, abstrait. C'est plus, il n'est pas demandé de vraiment faire passer la terre sur soi. Alors que chez Ahmed et Shafi'i, c'est demandé. C'est pour ça que certains, ils ont été, vous pouvez trouver ça dans certains livres ou dans certaines fatawas, où ils permettent par exemple... si je ne me trompe pas, les Jnad Daima, c'est ça qu'ils disent, par exemple, si vous lisez leur fatawa. Ils disent, est-ce qu'on peut faire le tayammum sur un tapis ou sur un qamis, par exemple? Ils disent oui, s'il y a du turab dessus. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils exigent surtout, c'est que tu aies du turab sur les mains. C'est-à-dire, si par exemple, il y a eu du vent et la terre, elle est entrée à la maison et elle est par terre, par exemple, sur le tapis. Est-ce que le tapis, c'est du sa'id pour faire le tayammum? C'est pas... Mais dessus, il y a le tourab. Dessus, il y a de la terre. Donc quand je vais faire ça dessus, je vais en avoir sur les mains. Eh bien, c'est bon. Même si en dessous, ce n'est pas la surface de la terre. Donc en fait, c'est deux façons complètement différentes de voir le tayammum. Pour certains, c'est de frapper la terre. C'est comme un geste entre guillemets symbolique. C'est de frapper la terre et de la passer sur son visage et ses mains. Pour les autres, non. C'est que réellement la terre, et elle soit, le geste, il sert à mettre de la terre sur tes mains. Et à la passer sur ton visage. De sorte à ce que si jamais t'en es plus, il faudrait que tu retapes une deuxième fois pour le même. Et donc il faut vraiment que tu fasses passer. C'est pour ça que certains ils vont jusqu'à dire, comme on va le voir dans le livre, il faut faire comme ça entre les doigts. Parce que pour eux, ça veut réellement dire englober la surface des mains et du visage avec de la terre. Donc nous, de toute façon, sans entrer dans les arguments, bon déjà on va dire, Ibn Taymiyyah, le fait qu'il est penché vers un avis, pour nous, ça fait pencher la balance. Mais sans rentrer dans les arguments, on n'a pas le choix en vérité de suivre l'avis de l'imam Malik et de Abu Hanifa. Sinon, tu ne pourras pas faire, tout simplement. Sans rentrer dans les détails, tu ne pourras pas faire le tayammum. Tu vas devoir soit faire l'eau, soit prier comme ça. Il y a des, pour l'imam Malik, par exemple, il permettait la pierre lisse. Ouais. On le voit ça dans la pratique des gens de Médine. Il n'y a pas d'exemple. Je n'en parle à ma connaissance. C'est pas l'argument, c'est pas la pratique des gens de Médine dans ce Wallah Alam. En tout cas, dans ce que j'ai lu, non. C'est pas, c'est plus le tafsir de Saïd, en fait. Tafsir de Saïd. Et après, il y a aussi en fait, le sujet du tayammum, il tourne beaucoup autour du hadith de Ammar. C'est le hadith sahih dans ce sujet, c'est le hadith de Ammar. C'est-à-dire qu'un jour, Ammar, Ibn Yasir, radiallahu an, il est parti en voyage, il est devenu djounoub. Il savait que le tayammum existait, mais il ne savait pas comment on fait quand on est djounoub. Donc il a fait un qiyas. Il s'est dit, comme l'eau doit passer sur tout le corps, il faut que je fasse passer aussi la poussière sur tout le corps. Et il s'est roulé par terre. Il a dit, je me suis roulé comme une bête dans la terre. Et quand il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, kana yakfika, il t'aurait suffi, antakula biyadaika hakada, de faire ainsi avec tes mains. Et là, le Ammar, il explique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a frappé la terre, qu'il les a passés sur son visage, ensuite sur le dessus de chaque main, mais il a précisé avant, thumma nafakha fihima. Donc comment on interprète qu'il a soufflé sur le... Certains vont te dire, ben voilà, il a soufflé pour enlever la terre. Ça prouve bien qu'il n'était pas demandé. Parce qu'au contraire, il faut la garder. Donc s'il a soufflé, c'est que c'est un geste symbolique. On ne t'a pas demandé vraiment de prendre la terre et de la passer sur toi. Et les autres vont répondre, ben non, c'est parce qu'il y en avait trop, donc pour en enlever un petit peu, il a soufflé dedans. Allah a'lam. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, nous... C'est pour ça que si vous lisez un peu, en tout cas certains savants, ils vont vous dire, ils sont de l'avis qu'en vérité le tayammum c'est avec turab et qu'il faut le roubar sur les mains. Mais ils vont dire c'est mieux, c'est-à-dire c'est mieux si tu trouves ça, c'est plus sûr. Si tu peux trouver turab, la terre qui est la terre, et que quand tu tapes dessus il y a de la terre sur tes mains, fais avec celle-là. Comme ça, tu es sûr, selon les quatre imams, tu as fait le tayammum. Mais si tu peux pas, bah, tu fais ce que tu peux. Donc là, en l'occurrence, en France, ça va être difficile peut-être faire un tayammum Hanbali ou Jaffiri. C'est pour ça que je vous dis, sans entrer dans les arguments, on retient ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, c'est que toute la terre vaut pour le tayammum et qu'il n'est pas demandé qu'il y ait du roubar qui s'attache aux mains. Comme quoi, des fois, pour la question de madame ou pas madame, d'accord, mais on est obligé d'expliquer. On ne peut pas dire aux gens... Je suis un madhab à 100% parce que tu comprends rien. Il faut expliquer quand même. Parce que là, justement, si, par exemple, je vous dis le madhab Hanbali dit ça, un point, c'est tout, bah, comment on fait demain quand on veut faire le tayammum? Ou alors on va prier sans tayammum. Alors qu'on aurait pu faire un tayammum au moins qui est valable chez l'imam Malik et chez Ibn Taymiyyah, qui est le grand muhaqqiq du madhab Hanbali. Bon, on va pas trop s'étendre, on continue. Furud al-tayammum, les obligations du tayammum. Il dit an-niyya. Niya, comme pour l'eau, ça c'est facile. As-sa'id al-tahir, la terre pure, on vient d'expliquer. Ad-darbatul oula, frapper la première fois. Mas'hul wajhi wal-kaffayn, passer sur son visage et ses mains. Tout ça on l'a dit, c'est facile. Ensuite il dit sunanut tayammum, les actes qui sont recommandés dans le tayammum. Donc là le shir, tout ce qu'il a cité, on peut le discuter et on peut... le commenter. Il dit premièrement at-tasmiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ammar, quand il a fait le tayammum, il n'a pas dit bismillah. Cependant, ceux qui recommandent de dire bismillah, ils disent comme pour l'eau, comme pour le rousl. Dans tous les cas, il n'y a pas de mal. Ça reste un acte de purification, il n'y a pas de mal à dire bismillah. Istiqbal al-qibla, le fait de se tourner vers la qibla. Ça également, c'est pas tiré des hadiths, c'est plus tiré du sens, dans le sens où voilà, tu fais une ibada. Et toutes les ibadat, de façon générale, c'est bien de les faire en se tournant vers la qibla. Kaunuhu inda iradati salah, le faire au moment où on veut faire la salah. C'est-à-dire que c'est mieux de le faire juste avant la prière que de le faire longtemps avant. Ad-darbatu thaniya, frapper la deuxième fois la terre. Et ça, on peut le discuter. Et je suis étonné que le cheikh il ait mis ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est connu dans le madhab de l'imam Malik. On fait le tayammum en frappant deux fois, alors que chez l'imam Ahmed c'est connu qu'on le fait une fois conformément au hadith de Ammar, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sahih dans le tayammum qui soit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de ne taper qu'une fois et de faire le tayammum jusqu'au poignet seulement. Le fait de taper deux fois la terre et de faire le tayammum jusqu'au coude, c'est rapporté de Abdullah ibn Umar. Donc celui qui le fait, il a quand même un dalil, ça a une origine chez Abdullah ibn Omar. Mais à choisir entre ce qui est rapporté d'Abdullah ibn Omar et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas annuler ou dire que ce que Ibn Omar a fait c'est faux, mais on va mettre en priorité ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que la sunna, c'est de ne taper qu'une fois par terre et de faire le tayammum jusqu'au poignet. Ensuite, il dit at-tartib al-muwala, le fait de le faire dans l'ordre, c'est-à-dire faire le visage d'abord, et le muwala, c'est de le faire à la suite. Donc on voit qu'il l'a mis seulement dans les recommandations, comme quoi c'est pas obligé. Et takhlilu al-asabi', passer entre les doigts. Donc passer entre les doigts, dans le cas où on dit qu'il faut vraiment faire passer la terre entre eux sur soi. Dans ce cas-là, ils disent qu'il faut même passer, il est bien plutôt, il est recommandé de passer entre les doigts. Mubtilatut tayammum, les choses qui annulent le tayammum. Wujudul ma, la présence de l'eau. En fait, au lieu de dire la présence de l'eau, on revient tout à l'heure à qu'est-ce qui permet de faire le tayammum. Eh bien, toutes ces raisons, quand elles disparaissent, le tayammum n'est plus valable. Si j'ai fait le tayammum parce que je ne trouvais pas d'eau, au moment où je trouve de l'eau, mon tayammum il est annulé. C'est-à-dire que je ne peux plus prier. Il faut que je fasse l'eau. Si je veux toucher le Coran, il faut que je fasse l'eau, etc. Mon tayammum n'est plus valable. Donc si c'était à cause de la maladie, mais à partir de l'instant où je guéris, mon tayammum n'est plus valable. Si c'était, comme on disait tout à l'heure, parce que je suis prisonnier, j'ai les pieds et les mains liés. À partir du moment où on me délie les mains et que je peux toucher l'eau, mon tayammum n'est plus. Voilà. Donc plutôt que dire simplement la présence de l'eau, on peut dire la disparition de la raison pour laquelle j'avais le droit de faire le tayammum. Ensuite, il dit Yabtulu binaqidin min nawaqidil wudu is-sabiqa wa kadha binaqidin min nawaqidil ghusl li'annahu badalun anhuma wa naqidul asli naqidun li khalafi. Bon, ça c'est facile. Il dit en fait le tayammum il est annulé parce que tout ce qui annule l'urdo et le rousl. Bah, c'est évident. Comme c'est le badel, c'est l'alternative. Si quelqu'un il va uriner, son tayammum il est annulé. Si quelqu'un il a un rapport, son tayammum il est annulé. Comme pour l'urdo et comme pour le rousl. Kaifi yatut tayammum. Comment faire le tayammum? Il dit anyanoui. Avoir la niya, de se purifier. Thumma yusammi. Ensuite il dit bismillah. Wa yadribu at-turaba bi yadayhi. Il frappe par terre avec ses mains. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa kaffayhi ma'a at-tartib wal muwalah. Ensuite, il passe ses mains sur son visage et sur ses mains. Dans l'ordre et à la suite. Voilà, c'est ça le tayammum. C'est très facile. Certaines personnes, ils font des trucs. Parfois ça peut être tiré des livres de certains fuqaha, mais c'est ce qu'on appelle le ta'ammuq ou le takalluf. C'est des ijtihadis qui sont à réfuter et qui vont trop loin. Par exemple, ils disent voilà, je fais le tayammum, je tape par terre. Donc je vais utiliser cette partie de ma main pour mon visage et puis je garde ces deux-là pour ma main gauche. Tous des trucs subhanallah, l'exemple et la facilité sont dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit amal, il a pas dit tu gardes cette partie de la main pour le visage, l'autre partie pour ta main gauche. Il a tapé par terre, il a passé ses mains sur son visage, sur ses mains, et voilà. Il n'y a pas plus simple que le tayammum du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit At-tayammumu lil-jabirati wal-jarah. Le tayammum pour les pansements, les plâtres ou les blessures. Man kana bijasadihi kusuran aw juruh. Kusurun, pas kusuran. من كان بجسدي كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي. Ça on l'avait déjà expliqué. Quelqu'un qui a sur son corps une plaie, par exemple. Donc on va reprendre le même exemple que l'autre fois. Sur mon avant-bras gauche, j'ai une grosse plaie comme ça. Première étape. Le médecin, il me dit, vous pouvez faire l'eau d'eau, vous pouvez le laver, il n'y a pas de danger. Et moi, je sens que ça me fait pas mal. Ça peut être le médecin et ça peut être ton expérience. Ce n'est pas toujours le médecin qui doit te dire. Exemple, l'eczéma. La personne, ça fait 20 ans qu'elle a de l'eczéma. Il n'a plus besoin que le médecin lui dise, si vous utilisez l'eau, ça ne va pas guérir. Ça y est, au bout d'un moment, il le sait. Donc, parfois, on exige la parole du médecin. Parfois, l'expérience du malade, elle suffit. Donc, j'ai une grande plaie ici. Le médecin, il me dit, vous pouvez faire lourdeau. Quand je fais lourdeau, ça me fait pas mal. Khlas, je fais lourdeau. Normal. Deuxième étape. Le médecin me dit, vous ne pouvez pas faire l'eau d'eau, mais vous pouvez faire le masque. Vous pouvez faire comme ça dessus, comme si c'était une chaussette. Donc je lave tout mon avant-bras, et quand ça parle de cette plaie, je fais juste ça dessus. Comme pour la tête. C'est toujours mieux que de faire le tayammum. Troisième étape, il me dit, ni vous pouvez le laver, ni vous pouvez faire le masque dessus. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'eau d'eau complet, sauf cette partie de mon corps. Et comme ma purification n'est pas complète, parce qu'il y a une partie de mon corps qui n'a pas été lavée, et qui devrait l'être, je fais le tayammum à côté. Donc je vais joindre l'eau d'eau, et le tayammum, il compense mes ablutions. Par contre, si j'ai un pansement, également, il faut poser la question, est-ce que je peux faire le masque? Parce que parfois, il y a des pansements sur lesquels on ne peut pas faire le masque. Le médecin me dit oui, je fais le masque dessus. Est-ce que c'est les mêmes conditions que les chaussettes? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce qu'il faut que j'ai fait l'eau d'eau avant de le mettre? Non. Est-ce que si je dois faire le rousse, il faut que je l'enlève? Non. Si, même si je dois faire le rousse, je fais le rousse et je fais le masque dessus. Même si ça dépasse 24 heures. Et même si je n'ai pas fait l'eau d'eau avant de mettre mon pansement. Je ne dis pas à l'infirmier, attends, je fais l'eau d'eau, après tu mets mon plâtre ou tu mets mon pansement. Donc, je fais l'eau d'eau et à cette partie-là de mon corps, je fais le masque sur tout le pansement, sur tout le plâtre. Et enfin, s'il me dit, vous ne pouvez pas faire le masque, ça va mouiller le pansement, ça va s'affecter, etc. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'eau d'eau là où je peux le faire, c'est-à-dire tout le reste de mon corps, je fais l'eau d'eau. Il reste cet endroit que j'ai pas pu ni faire le masque ni laver, rien du tout, je fais le tayammum à sa place, en guise de, au nom de cet endroit de mon corps. Donc si on veut retenir, on retient par étapes. Laver au maximum. On peut pas laver, faire le masque au maximum. On peut pas faire le masque, laver et faire le tayammum. Voilà. C'est pas tout de suite le tayammum, alors que tu as des membres du corps que tu peux laver. من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه. Et enfin il dit, celui qui n'a pas d'eau et qui n'a pas de terre, eh bien il prie dans la situation dans laquelle il est et il n'a pas à refaire la prière. Il prie tel qu'il est, tout simplement. Ensuite également on peut dire, il n'a pas cité le cheikh ici, on retient tout simplement le tayammum. C'est le remplacement de l'eau d'eau. Et quand Allah a légiféré le tayammum dans le Coran, il a dit Ma yuridu Allahu an yaj'ala alaykum min harajin, walakin li yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tahtadun. Allah ne veut pas vous imposer de difficultés, mais il veut vous purifier. Donc en parlant du tayammum, à la fin Allah dit, il veut vous purifier. Donc, on peut dire que le tayammum purifie. Deuxième chose, purifie dans un cas, dans le cas où je ne peux pas faire l'eau d'eau, où je ne peux pas utiliser l'eau. Si je peux utiliser l'eau, est-ce qu'il me purifie? Non. Deuxième chose, dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-sa'idu al-tahiru wudu al-muslimi. Il a dit, la terre pure est le wudu du muslim. C'est-à-dire dans les cas qu'on a cités, bien sûr. Et il a dit, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le tayammum wudu. Pour nous faire comprendre quoi? Là, on comprend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné une éloquence qui fait qu'on peut tout retirer de ses paroles. Pour nous faire comprendre que le tayammum, il a les mêmes règles que le wudu. On retient ça, et après, alhamdoulilah, la vie, elle est facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que dans une heure je vais faire voir, je peux faire le tayammum maintenant. Je sais que j'ai fait le tayammum pour voir. Est-ce que je dois le refaire pour l'asar, sachant que je n'ai pas uriné, je n'ai pas à le refaire. En fait, c'est les mêmes règles que le wudu. Pourquoi je vous précise ça? Parce que ce n'est pas tous les savants qui disent ça. Mais nous, on va retenir ça en se basant sur le verset du Coran et en se basant sur le hadith du prophète. Donc j'ai pas à refaire le tayammum à chaque prière, j'ai pas à refaire le tayammum à chaque heure de prière, etc. Simplement, il faut pas que je sois laxiste dans les raisons du tayammum. C'est-à-dire que je ne fais le tayammum que si vraiment j'en ai droit, et là je vais l'apprendre quand est-ce que j'y ai droit. Mais ça veut dire aussi que si je vois quelqu'un, mon oncle, mon père, ma mère, ma grand-mère, je vois qu'à chaque fois qu'elle doit faire une salat, elle fait le tayammum, ben je respecte ce qu'elle fait, parce que c'est l'avis de certains savants. C'est-à-dire que certains savants ont dit que le tayammum, il est pas, il ne purifie pas. Il te permet de prier. C'est juste une dérogation pour que tu puisses prier, mais en réalité, tu n'es pas en état de pureté. Et de là, ils ont retiré plein de règles, notamment le fait que pour chaque prière, tu dois faire le tayammum. Et ça, par exemple, au bled, c'est cet avis-là qui est connu. C'est pour ça que si vous demandez à votre oncle, votre père, il va vous dire non, chaque salat, tu fais le tayammum. Donc ça ne sort pas de nulle part. C'est un avis qui se défend et qui se discute. Et on finit avec les hadiths. Donc on est arrivé au hadith d'Ibn Abbas. Donc moi j'ai 1481. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Donc Ibn Abbas dit j'étais derrière le prophète un jour, sallallahu alayhi wa sallam, derrière lui, c'est-à-dire sur une monture. Ibn Abbas, il était jeune, il avait un peu plus d'une dizaine d'années. À ce moment-là, c'est-à-dire quand le prophète était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Ibn Abbas, il faut comprendre qu'il est né. À quelle occasion il est né, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas? Ça ne vous dit rien, non? Le muqata'a fi shi'ab. Quand les musulmans, ils ont vécu le boycott de Quraysh dans le shi'ab. Shi'ab, c'est le passage entre les montagnes de Abu Talib, c'est-à-dire le quartier de Bani Hashim. Et Quraysh, ils ont boycotté Bani Hashim, mécréants et musulmans, pendant un certain temps à Mecca. Entre 2 et 3 années, ça dépend des avis des historiens. Certains disent quelques mois, d'autres ils disent jusqu'à 3 ans. Et c'est à ce moment-là, donc à des moments où ils mangeaient des racines. C'est-à-dire que les Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils mangeaient, parfois ils allaient jusqu'à manger des racines. Parce que Quraysh, il leur interdisait même d'avoir contact avec les commerçants qui venaient à Mecca pour acheter quoi que ce soit. Donc ils ont eu beaucoup de, ils ont vécu la faim, ils ont eu des morts. Et Abdullah ibn Abbas est né à ce moment-là. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a appelé Abdullah, qui lui a choisi son nom. Donc il disait qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris derrière lui sur sa monture. Ça montre aussi la modestie du prophète et sa simplicité, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ya Roulem » Ô jeune garçon, préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire, préserve les commandements d'Allah, Allah te préservera. C'est-à-dire, si tu veux le hifz, la protection d'Allah, il a pas précisé, il va te préserver dans ta foi, il va te préserver dans ton argent. C'est général. Si tu veux qu'Allah te protège, qu'Allah te préserve, toi, il faut que tu préserves ce qu'il a révélé, ce qu'il a légiférer, ce qu'il a commandé. Faire tes prières à l'heure, donner ta zakat si tu dois la donner chaque année, jeûner le ramadan correctement, obéir à tes parents, etc., etc. Tu dois préserver, faire attention aux commandements d'Allah si tu veux qu'Allah, entre guillemets, fasse attention à toi et te protège. Ensuite, il lui dit, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire, préserve Allah et devant toi, c'est-à-dire dans l'avenir, tu vas trouver qu'Allah il est avec toi et qu'Allah il t'aide. Wa idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Là, il lui apprend à être indépendant et à placer sa confiance en Allah et à demander le moins possible de choses aux autres. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et quand tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. Rawahu Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Donc là, on voit comment un jeune, on doit l'éduquer. Ça, c'est une leçon aussi pour les parents, comment ils doivent éduquer leurs enfants. C'est le fait d'insister sur le lien avec Allah, et sur le fait de préserver les commandements d'Allah, en lui disant que ça lui vaudra d'être lui-même préservé, et d'avoir Allah à ses côtés, et lui apprendre à être indépendant, à ne pas compter sur les autres, à demander le moins possible l'aide des autres, etc. Et bien sûr, c'est un conseil à appliquer soi-même. Ensuite, le hadith suivant, il dit « An Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, قال, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال Un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس Montre-moi une œuvre qui, si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Comme quoi, il n'y a pas de mal à vouloir l'amour des gens aussi. C'est quelque chose de naturel. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Il lui a dit, izhad, fais preuve de zuhd, ce qu'on avait expliqué au début du chapitre. C'est-à-dire, fais preuve de délaissement, fais preuve de désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens ont, et les gens t'aimeront. Comme les gens, ils sont tous créés avares, avides, etc. Eh bien, si tu veux qu'ils t'aiment, évite de leur demander ce qu'ils ont. Évite de chercher ce qu'il y a dans leurs mains. Et les gens, à ce moment-là, ils t'aimeront. Et si tu veux qu'Allah t'aime, évite de t'attacher à ce bas monde. Et détache-toi au maximum de ce bas monde. Allah t'aimera. On peut citer ici des paroles intéressantes dans le commentaire, je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple, il a dit قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِ اِخْتَلَفُ عَلَيْنَا فِي الزُّهْدِ بِالْعِرَاقِ Abu Sulayman al-Dharani disait En Irak, les gens divergeaient sur la définition du zuhd. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الزُّهْدُ فِي تَرْكِ لِقَاءِ النَّاسِ Donc certains disaient le zuhd c'est de délaisser de rencontrer les gens, c'est-à-dire s'isoler des gens. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي تَرْكِ الشَّهَوَاتِ D'autres disaient c'est de délaisser les plaisirs. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي تَرْكِ الشَّبَعِ D'autres disaient délaisser de se rassasier quand on mange. وَكَلَامُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ Il dit et leurs paroles plus ou moins se ressemblent. قَالَ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الزُّهْدَ فِي تَرْكِ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ Il dit et moi je dis le zuhd c'est de délaisser tout ce qui t'occupe d'Allah. Tout ce qui te détourne, tout ce qui t'occupe d'Allah, tu le délaisses. Ensuite, il a cité également une autre parole. Un homme, il a dit à Mohammed ibn Wasi'a, « Awsini, donne-moi un conseil. » Il lui a dit, « Awsika an takuna malikan fi dunya wal akhira. » Il dit, « Je te conseille d'être un roi ici-bas et dans l'au-delà. » L'homme, il lui a dit, « Comment je peux être un roi ?» Il lui a dit, « Izhad fi dunya. » Soit, « Izhad », c'est-à-dire « délaisse la dunya. » Prends le minimum de la dunya. Le hadith suivant, il dit An Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqiy al-ghani al-khafi akhrajahu Muslim. Ça c'est un hadith court facile à retenir. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Allah aime al-'abd, c'est-à-dire l'individu, le serviteur avec trois, il lui a donné trois caractéristiques. Al-Taqi, qui est pieux, Taqi, c'est-à-dire qui évite ce qu'Allah a interdit, qui fait ce qu'Allah lui a ordonné. Al-Ghani, Ghani, c'est-à-dire pas riche, mais on peut dire riche, mais riche de l'âme. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, innama al-ghina, ghina al-nafs, la richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est-à-dire qu'il se contente de ce qu'il a. Et il ne dépend pas des autres et ne demande rien aux autres. Il se contente de ce qu'il a. Al-Khafi. Khafi, c'est-à-dire discret, caché. Donc Allah, il aime ce genre d'individu. Il craint Allah, il se contente de ce qu'il a et il est discret. Il ne cherche pas à se montrer, il ne cherche pas à être connu. Et ce hadith, Sa'd ibn Abi Waqqas, donc qui est un des 10 compagnons promis, qui était promis de son vivant au paradis, il l'a dit dans une circonstance particulière. C'est quand il y avait les conflits entre Muawiyah et Ali, entre les Sahaba eux-mêmes, des conflits politiques. Et le fils de Saad, il est venu le voir un jour. Déjà, en le voyant arriver, Saad, il a dit « A'udhu billah min sharri hadha al-raqib » qu'Allah me protège du mal de cet homme. Et son fils, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais au milieu de tes chameaux ?» En fait, il s'était isolé, Saad, il s'était écarté des gens et il vivait un peu comme un bédouin au milieu de ses troupeaux. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais au milieu de tes chameaux alors que les gens ils sont en train de se diviser le pouvoir? Et il l'a frappé sur son torse et il lui a dit ce hadith. Il lui a dit, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Donc en gros, il lui a dit, les gens, leurs histoires, la politique, le pouvoir, l'argent, il dit ça, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est ça. Je veux être discret, me contenter de ce que j'ai et craindre Allah. Donc Saad, il faisait partie de ces quelques compagnons qui avaient, qui n'avaient pas pris parti dans toute, dans tous ces conflits et qui avaient et qui s'étaient isolés de tout le monde. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن. Dans ce hadith, le prophète dit صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. حسن, c'est la qualité, la beauté, c'est-à-dire il relève de la qualité de l'islam d'une personne. تركه ما لا يعني, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. C'est comme s'il disait, le fait que la religion de quelqu'un, l'islam de quelqu'un est bon, il a, et son islam il s'est aboli, il excelle dans l'islam, c'est notamment le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. La yani yani la yahumu. Ce hadith, il est court, mais certains disent que c'est la moitié de l'islam. D'autres ils disaient que c'est un tiers, d'autres ils disaient que c'est un quart. Alors, beaucoup de savants l'ont mis dans les hadiths qui résument tout l'islam, les quelques hadiths qui résument tout l'islam. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit à ce hadith, il parle de tout ce que tu dois délaisser. Or l'islam, dans la pratique, qu'est-ce que c'est? C'est faire des choses et délaisser d'autres choses. Donc déjà ce hadith, il te parle de délaisser tout ce qu'il faut délaisser. Donc il délaisse ce qu'il ne regarde, regarde pas. Ça englobe beaucoup de choses, ça englobe les péchés. Celui qui a compris que sa fonction, c'est d'adorer Allah, il comprend que les péchés, ça ne le regarde pas. Ça englobe tout ce qui peut, tout ce qui te détourne du but, qui est adorer Allah, et qui est dans la vie d'ici-bas, te nourrir, nourrir tes enfants, etc., protéger ton honneur. Toutes ces choses-là qui ne vont pas dans ce sens-là, qui n'aident pas à réaliser ces choses-là, ça rentre dans Mala Yarnik. Également, ce qui ne te concerne pas, ça peut être dans le sens également ce qui n'est pas de ton ressort, ce qui n'est pas de ton niveau. Comme par exemple parler des grandes questions de la communauté, alors que nous, on est des simples membres de la communauté, qui avons déjà du mal à avoir un avis sur les questions. Mais nous, on parle de, comme si c'est nous qui contrôlons le monde. Ou alors également, ça peut être parler d'Allah, parler de sa religion, alors que tu ne sais rien à ce sujet. Donc tu fais que débattre et de philosopher en te basant sur tes idées à toi, sans te baser sur un savoir. Ça c'est également, tu devrais le délaisser parce que ça ne te concerne pas. Parler de ce que tu ne connais pas, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est d'apprendre ce que tu ne connais pas et de parler de ce que tu connais, ou des choses qui sont profitables. Donc de façon générale, si chacun il appliquait ce hadith, c'est sûr que la communauté elle irait mieux et qu'il y aurait moins de problèmes entre les gens. Bien sûr, le hadith, il parle aussi du fait de ne pas s'occuper des affaires des autres. C'est la première. Généralement, quand on lit le hadith, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Délaisser ce qui ne te regarde pas, c'est-à-dire délaisser les affaires des gens. Donc, si tu veux être un bon muslim, comme ici il a dit, husnil islam, si tu veux être un muslim hassan, dont la religion est bonne et dont l'islam est bon, eh bien au maximum, quand tu parles de quelque chose, quand tu fais, demande-toi, est-ce que vraiment ça te concerne? Est-ce que vraiment ça te regarde? Est-ce que vraiment c'est ton domaine? Si la réponse est non, plus tu délaisses ces choses-là, plus tu seras un musulman parfait. On va terminer avec ce hadith. عن المقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه. Donc dans ce hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Donc ce hadith, en fait, il l'a mis dans le chapitre du Zuhd pour montrer que le Zuhd, c'est aussi, notamment, le fait d'être modéré dans sa façon de manger. Et de ne pas manger jusqu'à satiété de façon régulière. C'est-à-dire que la routine du musulman, ça doit être de manger peu. Manger suffisamment, de quoi ne plus avoir faim, de quoi être en bonne santé, mais de ne pas se remplir le ventre. Ça doit pas, et ça doit être seulement de temps en temps, à certaines occasions, comme quand on est invité, quand on a des invités, ou à certaines occasions, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi Abu Huraira, il lui a servi du lait, il lui a dit Ishrab, il a bu, il lui a dit Ishrab, il a bu, jusqu'à ce qu'il était complètement rempli, et il lui a dit Ishrab, jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus du tout à boire. Donc c'est pas complètement haram. Mais ça doit être de façon occasionnelle ou pour certaines raisons. Et le mode de vie du musulman, ça doit être l'application de ce hadith. C'est-à-dire que le pire récipient qu'il remplissait, c'est son ventre. Donc on sait aussi que dans notre hadith, il dit que si vous y êtes forcé, c'est-à-dire si vraiment vous devez, entre guillemets, vous remplir, eh bien il faut laisser un tiers pour la nourriture, un tiers pour le liquide et un tiers pour respirer. C'est-à-dire que même si on se force, il ne faut pas se remplir jusqu'à ne plus pouvoir manger. Et les savants, comme Ibn al-Qayyim par exemple, très souvent ils font un lien entre eux, l'excès de nourriture, l'excès de sommeil et l'excès de parole avec la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils disent que ça influe sur la foi. Et que le fait de trop manger, trop boire, trop parler, trop dormir, ça a un effet néfaste sur la foi et sur l'esprit. Et ça peut être un obstacle pour l'être humain à faire les ibad, à prier la nuit, à réciter le Coran, etc., etc. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min al-khayr kullihi, ajili wa ajili, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min al-sharr kullihi, ajili wa ajili, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك J'ai quelques livres en arabe à donner là, si quelqu'un en veut, venez par ici.